Chapitre 11. Vamiré. Étendu au fond de la petite barque, Vamiré fermait de la main sa blessure. Du sang figé la couvrait. Il attendait depuis une heure que vînt une réaction favorable pour gagner la rive, car la perte du sang le jetait aux limbes du rêve, à un demi-évanouissement très doux, où la perception nette de son corps lui échappait. Les choses circulaient comme amincies, frêles, tandis que sa poitrine se perdait dans les délices d'un flot tiède, asphyxiant et angoissant. Puis la crise passa. Avec la fièvre du mal, la force naquit. Le Psan put mener sa barque jusqu'à la rive. Il put y descendre et recueillir les feuilles balsamiques et la résine convenables au pansement. D'abord il lava sa blessure à grande eau, puis il en rapprocha les lèvres, appliqua des feuilles enduites de résine et une large bande de peau par-dessus. Ce pansement, d'une solidité à toute épreuve, permettait une évaporation suffisante et même livrait passage à la suppuration. Au bout de 8 jours, il faudrait le renouveler. Mais en attendant, grâce aux feuilles aromatiques et à la résine, les complications étaient peu à craindre. Vamiré sentit un grand soulagement. L'inquiétude vague que tout mal porte en soi disparut. Et il vint un orgueil considérable, une joie de victoire. Voluptueusement, il apaisa sa soif et sa faim, puis se mit en quête du bois nécessaire à la fabrication de nouvelles armes. Il eut vite les hampes, 12 petites pour des sagaies, 1 grande pour la lance. Comme il y travaillait, la tentation lui vint d'avoir un arc et des flèches à la manière orientale, en bois durci au feu. La barre de l'arc était plate, mais large, avec une encoche ronde très légère pour diriger la flèche. Vamiré déracina un jeune frêne dont il brûla les extrémités. Puis il passa de longues heures à racler le bois pour l'amincir, en se servant tour à tour du feu et du silex. Le soleil se coucha avant qu'il pût achever, et il reconnut qu'il faudrait au moins 2 jours, sans compter la besogne d'affûter les flèches. Aussi, tout en cherchant le meilleur abri nocturne, se promit-il de terminer d'abord la lance, les sagaies, les harpons, afin de se prémunir contre toute attaque d'ailleurs improbable. Les orientaux, avec leurs 2 morts, leurs blessés, dont le chef, ne se soucieraient guère d'ouvrir les hostilités. Ils allaient, au plus vite, regagner leur steppe en emportant la jeune fille. Vamiré sourit en pensant qu'il ne la tenait pas définitivement, et il s'endormit tard, enfiévré des stratagèmes qu'il combinait pour la reprendre. Le lendemain, à son réveil, une grande faiblesse le tint couché. La cicatrisation débutait. À peine put-il se traîner jusqu'à la rive, où il s'endormit tout de suite après avoir bu, au risque d'être dévoré par les fauves. Le soleil tenait le zénith lorsqu'il reprit conscience. Il se désaltéra de nouveau. Sa tête bruissait, ses veines palpitaient, sa pensée était lourde. Il comprit que la journée était perdue, s'y résigna et se fortifia dans son canot près de la berge du fleuve. Avec des pauses où il allait s'abreuver comme dans un rêve, les ténèbres furent sur sa vie jusqu'à l'aube prochaine. Il frôla le néant. Toute la nuit, sa robuste poitrine agonisa dans l'ombre. Les périodes de la crise s'escaladaient les unes les autres, comme des vagues de marée. Mais avec l'aube, le calme vint, le sommeil réconforta, et au quart du jour, Vamiré s'éveilla de faim. Il vérifia son pansement. Toute douleur avait cessé. Les chairs, presque unies, en première intention, n'avait qu'un bourgeonnement léger. La rougeur disparaissait de la poitrine, la tête était libre. Vamiré se mit en quête de nourriture, armé de ses 2 uniques armes restantes, un harpon et une lance. Le sous-bois, à ce moment, offrait peu de ressources, et par surcroît l'embuscade seule était possible, car le blessé n'eût pu fournir un élan quelconque. 3 heures coulèrent où il ne passa que de petits carnivores à la chair répugnante. et déjà la faim commençait à tordre terriblement les entrailles du chasseur, quand parut un harpaille conduit par un bel élan mâle. C'était de gros gibier dangereux, mais d'autant plus séduisant que le bois du mâle défrayerait tout ce qu'il fallait en pointe de lance, de harpon et de sagaie. Vamiré regretta davantage à cette heure de ne pas avoir d'arc qui permît l'attaque lointaine, car l'élan vengeait souvent avec énergie le meurtre de ses biches. Celui-ci était un cerf colosse, grand comme nos grands chevaux actuels, et son bois s'empaumait par-dessus sa tête en ramures de hêtres défeuillées. Deux fourches d'abord, puis une large table garnie de pointes recourbées. Le troglodyte sous le couvert, avec d'infinies précautions, se rapprocha du groupe. Mais la distance restait trop considérable pour espérer de pouvoir lancer fructueusement l'unique harpon. Il attendit donc. Les animaux broutaient, jouaient, si bien qu'à un moment, une biche folâtra à portée du bras de l'homme. Le harpon siffla, s'enfonça. Un bramement d'agonie et la bête s'abattit, tandis que le troupeau s'ébrouait, filait dans les halliers, laissant le mâle immobile à scruter les épaisseurs feuillues. Après une minute, le grand cerf s'approcha de la victime et il piétina nerveusement le sol, partagé entre le désir de se venger et la crainte de l'inconnu. Cependant, la passion du bois superbe de la bête hanta Vamiré. Par un mouvement irréfléchi et tout maladif, il sortit du couvert la lance en arrêt et la fourrure du Speléa à la main. L'herbivore hésita, sa prunelle oblongue perdue dans le rêve des futaies. Mais déjà l'homme reculait, et l'instinct de la bête connut en cela une faiblesse. Prompte, sa tête rasant le sol, elle fondit sur le barbare. Il la vit venir, s'effaça, suspendit aux pointes fourchues son lourd manteau, puis tandis que le cerf se débarrassait en un hochement formidable, il pointa la lance entre les côtes et la poussa jusqu'au cœur. L'animal chut. Vamiré s'abattit également, épuisé par l'effort. Mais il se releva bientôt, alluma du feu, fit cuire un morceau de la biche. Son appétit satisfait, une grande tristesse lui vint. Hélène lui manqua. Il la revit bien plus précieuse, ses yeux bruns, son air farouche et tendre à la fois. Il se souvint des péripéties de la lutte où elle ne l'avait pas abandonnée. Son regard la chercha au sous-bois, et ce fut une constriction du cœur, bientôt intolérable. Il cria le nom de la jeune fille, rêva âprement au moyen de la reprendre. Les bois se taisaient dans l'air chaude. Le soleil miroitait sur le fleuve, pleuvait par petites ellipses à travers la densité frêle des arbres. Les fourrés reposaient comme de grandes nuées, et l'espace couvert, aux frondaisons hautes, pleines de lueurs éparses, avait des échappées confuses, des enfoncements de gouffres. Affinée de douleur et de solitude, la vue de ces choses remuait l'être du troglodyte jusqu'à la souffrance. Il eut tour à tour envie de sommeil et d'or. Il revécut une journée de travail qu'il sculptait aux grottes un bâton de commandement, et cela le ramena à l'élan et aux nouvelles armes. Armé d'un silex à fines dents de scie, il se mit à la besogne. Au soir, il avait détaché le bois de la tête. Un peu de fièvre le reprit alors, car le va-et-vient du bras avait irrité sa blessure. Dans l'oisiveté et ne pouvant dormir, l'envie le tenailla d'une expédition pour reconnaître les traces d'Hélène. Il se glissa dans son canot, descendit le fleuve. La nuit le cachait dans la grande ténèbre. Le fleuve semblait une voie de silence, toute basse et chuchoteuse, où seuls des batraciens isolés, coassaient, rauques et tristes. Par les surfaces alternatives d'ombre et de reflets, le vol ballant et sûr de l'aveugle chauve-souris se perdait et se retrouvait sans cesse. La bande du ciel étoilé, élargie au-dessus des arbres, plongeait un abîme dans les flots. Quelques coups de pagaie approchèrent de la rive où il avait lutté contre les orientaux. Puis il s'abandonna au courant, cachant sa silhouette de manière que la pirogue pût sembler de loin un tronc déraciné. D'abord ce furent des solitudes certaines, où la faune restait quiète. Puis des indices vagues relevèrent une présence redoutée. Enfin, il aperçut des tas de pierres marquant la place des tombes, et une heure plus tard, la flamme d'un brasier dénonça la veillée des adversaires. Longtemps, Vamiré observa. Hélène devait être couchée à l'opposite du feu. un guerrier veillait, qui levait de temps à autre une de ses mains vers le ciel, afin de ne point dormir. Le foyer projetait ce mouvement en une ombre gigantesque par-delà le fleuve. Le psan serrait son harpon, mesurait l'éventualité d'une attaque, sa fièvre et sa faiblesse le poussant au téméraire. La rumeur des bois grandissait sous la brise. L'eau s'éclairait d'un phosphore pâli, un fond de halo où vivaient des branches lointaines, des havres semés de roseaux. Le travail des nues changeait à tout coup la face de l'onde. Il jetait un voile de plomb, une veilleuse tremblante ou un ruisseau de constellations. Un drame émut l'âme de Vamiré. Derrière le bûcher, le visage dans la lumière, Elem se montra. À la reprendre, l'emporter comme jadis. Mais à l'effort interne, il sentit sa blessure mal close, son bras impuissant. Quelques jours encore, il aurait reconquis toutes ses énergies. En attendant, il pouvait suivre la piste et choisir son heure. Il déposa doucement le harpon, empoigna la pagaie, et avant de retourner à son dernier gîte, il laissa le courant le mener à l'autre rive. De là, il pagaya avec prudence, sa vitesse presque nulle d'abord, grandissant à mesure. Une heure avait coulé. Le canot avançait péniblement, quoique Vamiré se tînt près de la berge. Outre le courant, il devait lutter contre des algues où sa proue s'enlisait qui surchargeait sa rame. Et il allait se résoudre à prendre terre lorsqu'une sorte de chenal parmi les roseaux le tenta. Il y poussa sa barque. Et un temps très court, la navigation redevint heureuse. Puis le chenal se clôtura de longues herbes aquatiques. Dans l'espoir de retrouver les eaux libres à une courte distance, le psan, tout fébrile, écarta l'obstacle, y entra. Avec de courtes chances, de petites mares seulement couvertes de lentilles, les roseaux, les algues, les joncs persévérèrent, si bien qu'une extrême lassitude pesa sur la poitrine de l'homme et qu'il dut s'étendre un moment au fond de sa pirogue. La nuit avançait. Un pressentiment d'aube pâlissait le zénith. Des cris de coqs sylvestres sonnaient par les massifs. La légère parlerie des feuilles aiguës se froissant et bruissant comme des peines, le clapotis d'une loutre et l'éternelle rumeur du fleuve piquée de notes claires étaient les seuls bruits de la solitude. Les choses paraissaient plongées dans une brume grise semi-transparente. À peine si on apercevait sur l'autre rive la lisière noire de la forêt, entre l'onde et le ciel pâli. Vamiré se releva. Une torpeur extraordinaire l'engourdissait, le jetait au sommeil. Il eut hâte de trouver le gîte et mesura la distance du rivage. Elle parut considérable, d'autant que la végétation s'épaississait toujours plus. Une minute, il pensa d'abandonner l'effort, de dormir dans son canot. Mais il suffirait d'un mouvement pour verser l'embarcation, et la blessure ne permettait pas le geste ample de la nage. Résigné, il se dirigea vers le bord, s'aidant de la pagaie, ensanglotant ses mains aux feuilles coupantes des roseaux, tirant, poussant la frêle pirogue, très las, très nerveux, avec de longues haltes. Le jour venait, tout parut pâle à l'être exténué. Les eaux, le ciel, la forêt. Le large fleuve sortait d'un horizon de buée et se perdait dans la buée encore. La berge fut là. Comme Vamiré débarquait, écartant les hautes tiges, il aperçut une panthère aux prises avec un tout jeune mammouth. Le petit herbivore, pitoyable, essayait en vain d'écarter de la trompe son adversaire. On voyait au loin la course impétueuse de la femelle arrivant au secours de sa progéniture, et le baril du mâle dans les roseaux annonçait qu'il allait atteindre la rive à la nage. Mais un bond de la panthère la posa sur le dos de l'éléphanteau. Et déjà ses griffes fouillaient le cuir épais, ses crocs se portaient vers le ventre quand le nomade apitoyé intervint. Il poussa un cri de guerre, lança son harpon et s'avança vers le félin. À peine le harpon fit-il paraître le sang sur la robe tachetée. La panthère recula, grondante, tandis qu'émergeait la vaste tête du mammouth mâle. Presque en même temps parut la femelle. Alors la panthère gagna les alliés et les proboscidiens énormes, pendulant leurs trompes, s'éloignèrent. Vamiré les regarda décroître dans la distance, ému de leur bonheur et de leur force. Puis il chargea son canot sur ses épaules, entra sous bois, dépensa sa dernière vigueur à recueillir de grosses branches pour la consolidation de son abri sous la barque. Lourd, trébuchant, il commençait d'enfoncer en terre, au pied d'un arbre, celle des branches les mieux faites à cet usage. Mais il dut interrompre sa besogne. La torpeur plus forte le domina. Et tandis qu'il essayait de s'asseoir, il roula, anéanti, au nirvana du sommeil.